que ce soit. Le bloc opératoire, le bloc du Jekar, de part la froideur de la pierre, qui bloque dans le noir. Pour les rouges, les haïs veulent nous bloquer. La nuit est tombée, je rentre dans mon cabinet. Scalpel, blouse blanche, OP. Masque chirurgical et ganté. Dans le bloc opératoire, l'auditoire est dompté. Non, tu ne t'es pas trompé. La rue auscultée, à présent scarifiée au point que chacun de ses fils se reconnaisse portant ses traits. Tout petit. Même maintenant, je crois que la conscience voit. Chacun d'entre nous a une différente distance, opérant chaque jour. Vivant chaque journée, je pense. Tout ce qu'à la médecine j'ai apporté. En rapport avec la thèse, avec le pavé. Aucun chèque que des espèces. L'esprit est de béton armé. Dans mes yeux la révolte. Donc rien de tout, rien de tout. Tu peux me traiter d'anti. Tout. Petit à petit, les squales croquent. Loin des poiscailles d'eau douce. La morale assumant le choc. Que ce soit le bloc opératoire, le bloc du Jekar, que part la froideur de la pierre, qui bloque dans le noir. Que ce soit le bloc opératoire, le bloc du Jekar, que part la froideur de la pierre, qui bloque dans le noir. Être ce que l'on est sans être, ce qu'on voudrait que l'on soit, serait-ce pas être suspect, quoi que l'on fasse ou que l'on soit, que l'on voit le spectre de high, de fond du regard de mes gars du 7-7, à tous les départements, quels qu'ils soient. Un même but, mais pas le même sens. Un même son, mais pas la même danse. Même but et les têtes pensent. Mr. Hyde et nous, c'est la même quête. Domination, extorsion, intimidation, raquette. Ton suave sur sale dicton qui a volé volera dicton. Et direct-on que les panthères furent chatons. Le doigt montre la lune, l'ignorant guette l'astre froid. Dis-moi, qui montre quoi, quelle référence, quel but. Gars, tu tiens la route, mais engagé sur quelle voie. T'es fier face à l'élite, face à tes potes ou face aux stupes. Pas de commune mesure entre celui qui voit, qui ne discerne pas. Au contact, un chasseur d'une proie. Et ce soir, le bloc opératoire, le bloc du Jekar, que part la froideur de la pierre, qui bloque dans le noir. Que ce soit le bloc opératoire, le bloc du Jekar, repart la froideur de la pierre, qui bloque dans le noir. Mr. Hyde veut nous geler. Mr. Hyde ou Monsieur Hagar, système de barbare. La street est un véritable champ de bataille. Résistance et révolte dans le cœur du marginal. Remonte ton froc et pose tes couilles sur la table. L'affrontement est brutal et tu peux finir au frais du contribuable en cash. Tu trouveras tes refrains guidés par la rage. Tempérament de vainqueur depuis notre plus jeune âge. C'est dit qu'il est le docteur contre Hyde. Hyde veut nous geler et continuer à nous piétiner. Mr. Hyde, c'est le shaitan vu de notre côté. On a toujours du mal avec les autorités. Pour l'éviter, faut évoluer dans l'obscurité. Même les experts ne seraient pas en sécurité. À tout moment, ça peut sauter, car tout le monde a fauté. La seule issue pour avoir le dessus, c'est lutter. Que ce soit le bloc opératoire, le bloc du Jekar, que part la froideur de la pierre, qui bloque dans le noir. Mr. Hyde, veut nous bloquer. Que ce soit le bloc opératoire, le bloc du Jekar, repart la froideur de la pierre, qui bloque dans le noir. Mr. Hyde, veut nous bloquer. Que ce soit le bloc opératoire, le bloc du Jekar, que part la froideur de la pierre, qui bloque dans le noir. Mr. Hyde, veut nous bloquer. Que ce soit le bloc opératoire, le bloc du Jekar, repart la froideur de la pierre, qui bloque dans le noir. Mr. Hyde, veut nous bloquer.